Le lendemain, avant midi, il s'était acheté une boîte de couleurs, des pinceaux, un chevalet. Le peintre pèlerin consentit à lui donner des leçons. Il se fixait des jours pour aller chez Madame Arnoux. Arrivé au second étage, devant sa porte, il hésitait à sonner. Des pas se rapprochaient, on ouvrait, et à ces mots, Madame est sortie. C'était une délivrance, et comme un fardeau de moins sur son cœur. Mais il ne manquait pas, pour qu'on l'invitât au dîner du jeudi, de se présenter à l'art industriel chaque mercredi, régulièrement. Et il y restait, après tous les autres, puis en tant que Rochimbard, jusqu'à la dernière minute, en feignant de regarder une gravure, de parcourir un journal. Enfin, Arnoux lui disait « Êtes-vous libre demain soir ?» Il acceptait, avant que la phrase fût achevée. Arnoux semblait le prendre à l'affection. Il lui montra l'art de reconnaître les vins, à brûler le punch, à faire des salmis de bécasse. Frédéric suivait docilement ses conseils, aimant tout ce qui dépendait de Madame Arnoux, ses meubles, ses domestiques, sa maison, sa rue. Il ne parlait guère pendant ses dîners. Il la contemplait. Elle avait à droite, contre la tempe, un petit grain de beauté. Ses bandeaux étaient plus noirs que le reste de sa chevelure et toujours comme un peu humide sur les bords. Elle les flattait de temps à autre, avec deux doigts seulement. Il connaissait la forme de chacun de ses ongles. Il se délectait à écouter le sifflement de sa robe de soie quand elle passait auprès des portes. Il humait en cachette la senteur de son mouchoir. Son peigne, ses gants, ses bagues étaient pour lui des choses particulières, importantes comme des œuvres d'art, presque animées comme des personnes. Toutes lui prenaient le cœur et augmentaient sa passion. Il n'avait pas eu la force de la cacher à des lauriers. Quand il revenait de chez Madame Arnoux, il réveillait comme par mégarde afin de pouvoir causer d'elle. Des lauriers ne comprenaient rien à cet amour, qu'il regardait comme une dernière faiblesse d'adolescence. Et, son intimité ne lui suffisant plus, sans doute, il imagina de réunir leurs amis communs une fois la semaine. Ils arrivaient le samedi, vers 9 heures. Ussonné, un soir, introduisit un grand jeune homme, habillé d'une redingote trop courte des poignets et la contenance embarrassée. C'était Dussardier, le garçon qu'ils avaient réclamé au poste l'année dernière. Maintenant, Dussardier était commis dans une maison de roulage. Tous sympathisaient. D'abord, leur haine du gouvernement avait la hauteur d'un dogme indiscutable. Martinon seul tâchait de défendre Louis-Philippe. Puis, la conversation s'engagea sur les femmes. Pèlerin n'admettait pas qu'il eût de belles femmes. Il préférait les tigres. D'ailleurs, la femelle de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. Ce qui vous séduit, et particulièrement ce qui la dégrade comme idée, je veux dire les seins, les cheveux. Cependant, objecta Frédéric, de longs cheveux noirs, avec de grands yeux noirs. « Oh, connu !» s'écria Ussonné. « Assez d'Andalouse sur la pelouse. Des choses antiques, serviteur. Car enfin, voyons, pas de blague. Une lorette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons gaulois, non, un petit bonhomme !»